Hier, vois-tu, mon cher bon petit père, pendant que tu étais à la chambre, maman s'est évanouie. Cet évanouissement qu'elle a mis sur le compte de ses nerfs venait de quelque chagrin relatif à mon mariage manqué, car elle m'a dit que, pour vous débarrasser de moi, elle t'aime trop pour avoir employé une expression peu parlementaire, reprit Hortense en riant. Non, elle ne s'est pas servie de ce mot-là. Mais moi, je sais qu'une fille à marier qui ne se marie pas est une croix très lourde à porter pour des parents honnêtes. Eh bien, elle pense que s'il se présentait un homme d'énergie et de talent, à qui une dot de 30 000 francs suffirait, nous serions tous heureux. Enfin, elle jugeait convenable de me préparer à la modestie de mon futur sort, et de m'empêcher de m'abandonner à de trop beaux rêves, ce qui signifiait la rupture de mon mariage, et pas de dot. Ta mère est une bien bonne, une bien noble et excellente femme, répondit le père, profondément humilié, quoique assez heureux de cette confidence. Hier, elle m'a dit que vous l'autorisiez à vendre ses diamants pour me marier, mais je voulais qu'elle gardât ses diamants, et je voulais trouver un mari. Je crois avoir trouvé l'homme, le prétendu qui répond au programme de maman. Là, sur la place du Carrousel, en une matinée. Oh, papa, le mal vient de plus loin, répondit-elle malicieusement. Eh bien, voyons, ma petite fille, disons tout à notre bon père, demanda-t-il d'un air câlin en cachant ses inquiétudes.